kürzer. Thank you. pathologique continuum. Complexité de l'humain. Irréductible. Humain. Incasable. Humain. Thank you. comme ça. Where are you, Monsieur Yann LaRouche?